Entre 1829 et 1845, Prosper Mérimée écrivit et publia une vingtaine de nouvelles, la nouvelle étant un récit généralement bref, aux personnages peu nombreux. L'académicien Jean Missler fit paraître ses nouvelles dans la collection Livres de poche en deux volumes. La première, intitulée Colomba, la seconde, intitulée Carmen. Vous trouverez ci-après trois nouvelles choisies dans le premier volume. Deux, dont je vous lirai le texte intégral, Matteo Falcone et Tamango, la troisième Colomba, dont je vous lirai de larges extraits. Matteo Falcone. En sortant de Porto Vecchio et se dirigeant au nord-ouest, vers l'intérieur de l'île, on voit le terrain s'élever assez rapidement, et après 3 heures de marche par des sentiers tortueux, obstrués par de gros quartiers de rocs et quelquefois coupés par des ravins, on se trouve sur le bord d'un maquis très étendu. Le maquis est la patrie des bergers corses et de quiconque s'est brouillé avec la justice. Il faut savoir que le laboureur corse, pour s'épargner la peine de fumer son champ, met le feu à une certaine étendue de bois. Tant pis si la flamme se répand plus loin que besoin de nez. Arrive que pourra. On est sûr d'avoir une bonne récolte en semant sur cette terre fertilisée par les cendres des arbres qu'elle portait. Les épis enlevés, quand on laisse la paille, qui donnerait de la peine à recueillir, les racines qui sont restées en terre sans se consumer poussent, au printemps suivant, des cépées très épaisses qui, en peu d'années, parviennent à une hauteur de 7 ou 8 pieds. C'est cette manière de taille fourrée que l'on nomme maquis. Différentes espèces d'arbres et d'arbrisseaux le composent, mêlés et confondus comme il plaît à Dieu. Ce n'est que la hache et la main que l'homme s'y ouvrirait un passage. Et l'on voit des maquis, si épais et si touffus, que les mouflons eux-mêmes ne peuvent y pénétrer. Si vous avez tué un homme, allez dans le maquis de Porto Vecchio, et vous y verrez en sûreté, avec un bon fusil, de la poudre et des balles. N'oubliez pas un manteau brun, garni d'un capuchon, qui sert de couverture et de matelas. Les bergers vous donnent du lait, du fromage et des châtaignes, et vous n'aurez rien à craindre de la justice ou des parents du mort, si ce n'est quand il vous faudra descendre à la ville pour y renouveler vos munitions. Matteo Falcone, quand j'étais en Corse en 1800, avait sa maison à une demi-lieue de ce maquis. C'était un homme assez riche pour le pays, vivant noblement, c'est-à-dire sans rien faire, du produit de ses troupeaux, que des bergers, espèces de nomades, menaient paître çà et là sur les montagnes. Lorsque je le vis, 2 années après l'événement que je vais raconter, il me parut âgé de 50 ans tout au plus. Figurez-vous, un homme petit mais robuste, avec des cheveux crépus, noirs comme le jais, un nez aquilin, les lèvres minces, les yeux grands et vifs, et un teint couleur de revers de botte. Son habileté au tir au fusil passait pour extraordinaire, même dans son pays où il y a tant de bons tireurs. Par exemple, Matteo n'aurait jamais tiré sur un mouflon avec des chevrotines, mais, à 120 pas, il l'abattait d'une balle dans la tête ou dans l'épaule, à son choix. La nuit, il se servait de ses armes aussi facilement que le jour, et l'on m'a cité de lui ce trait d'adresse qui paraîtra peut-être incroyable à qui n'a pas voyagé en Corse. À 80 pas, on plaçait une chandelle allumée derrière un transparent de papier, large comme une assiette. Il mettait en joue, puis on éteignait la chandelle, et au bout d'une minute, dans l'obscurité la plus complète, il tirait et perçait le transparent 3 fois sur 4. Avec un mérite aussi transcendant, Matteo Falcone s'était attiré une grande réputation. On le disait, aussi bon ami que dangereux ennemi. D'ailleurs, serviable et faisant l'aumône, il vivait en paix avec tout le monde, dans le district de Porto Vecchio. Mais on comptait de lui qu'à Corte, où il avait pris femme, il s'était débarrassé fort vigoureusement d'un rival qui passait pour aussi redoutable en guerre qu'en amour. Du moins, on attribuait à Matteo certains coups de fusil qui surprirent ce rival, comme il était à se raser devant un petit miroir pendu à sa fenêtre. L'affaire assoupie, Matteo se maria. Sa femme, Giuseppa, lui avait donné d'abord 3 filles, dont il enrageait, et enfin un fils qu'il nomma Fortunato. C'était l'espoir de sa famille, l'héritier du nom. Les filles étaient bien mariées. Leur père pouvait compter au besoin sur les poignards et les escopettes de ses gendres. Le fils n'avait que 10 ans, mais il annonçait déjà d'heureuses dispositions.